Ce panneau interdit l'accès de la chaussée aux piétons. Les personnes qui conduisent à la main un vélo ou un cyclomoteur sont considérées comme des piétons.